Tout est à refaire. Plusieurs semaines après son retour en Suisse, Faustine commence tout juste à récupérer un peu d'énergie. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle s'était épuisée dans sa course à l'oubli suite au décès de Julien. Sa tentative de suicide consécutive à ses excès d'alcool n'a rien arrangé, prélevant un tribut non négligeable sur sa santé. Le généraliste qu'elle consulte la prévient qu'il lui faudra encore beaucoup de temps et de repos pour remonter la pente. Ce que craint le plus la jeune femme, c'est l'altération probable de ses capacités intellectuelles et psychiques. Et si elle était devenue incapable d'occuper sur du long terme un poste équivalent à celui qu'elle avait à la Prana? Impossible de mesurer le mal qu'elle s'est fait en ingurgitant une telle quantité de médicaments. Personne ne peut le prédire. Il faut laisser du temps au temps. Et la patience n'est pas son fort. Son mandat chez l'architecte a pris fin, ménopause 2 ayant récupéré sa place. Faustine en cherche donc une autre. Cette fois, maman suggère qu'elle mette elle-même une petite annonce pour trouver son bonheur. Pourquoi pas? En tant qu'employeur, maman a de l'expérience dans ce domaine. Elle aide Faustine à rédiger un texte succinct. Dans la semaine, on l'appelle pour un entretien. Les bureaux de cette société sont situés dans les Hauts de Lausanne. C'est un immeuble résidentiel dans un quartier tranquille. Sophie, la jeune femme qui la reçoit, est d'une beauté à couper le souffle, mais ne semble pas en être consciente. Faustine est introduite dans le bureau du patron. Un homme relativement petit, mince, à la moustache et les gants. De loin, il fait penser aux Zorro des séries télévisées. Faustine remarque qu'il porte un nom arménien. Le premier contact est bon. Monsieur Z semble convaincu par les références de Faustine. Il est impressionné par son curriculum vitae international. Il la rappellera lorsqu'il aura vérifié ses références. Manifestant sans conteste un certain génie dont l'art est la manière d'encourager les autres à dépenser leur argent, maman se fait inviter par sa fille au terme divers dons, afin d'attendre la réponse de Monsieur Z dans les meilleures conditions. Pourrait-on dire qu'elle est une opportuniste altruiste? Elle vous répondra oui, car elle s'assure toujours que chaque protagoniste trouve son compte. Quoi qu'il en soit, Faustine est à bonne école. Pour l'heure, elle profite de l'ambiance feutrée et du luxe discret du grand hôtel. Les thermes d'hiver dont sont l'endroit parfait pour une parenthèse. Lorsqu'elles sortent de l'eau, maman l'entraîne dans les ruelles piétonnes de la vieille ville. En fin d'après-midi, alors que les deux femmes se changent en prévision du repas au restaurant, le téléphone sonne. C'est Monsieur Z. Ça y est, Faustine est engagée. Elle commencera le 1er juillet. Son futur patron lui a dit « Tant pis pour vous, je vous prends un essai. » Lundi matin, 8h. Sophie accueille Faustine. Elle n'a qu'une journée pour la former. L'appartement comprend, outre l'immense bureau de Monsieur Z, une kitchenette, un salon en L, fief de Faustine, ainsi qu'un bureau d'appoint pour l'associé de Monsieur Z qui réside et travaille à Zurich la plupart du temps. Faustine se voit attribuer un ordinateur équipé d'un logiciel totalement différent de celui qu'elle utilisait à la Prana. Elle a tout à réapprendre. Sophie explique que Monsieur Z a commencé sa carrière chez IBM. Il a pu monter sa propre société grâce à un coût financier important qui lui a permis de se lancer dans l'immobilier. En Suisse, puis à Sainte-Maxime, sur la Côte d'Azur, où il transforme actuellement un immeuble en résidence de luxe. Faustine sera chargée des contacts avec les maîtres d'œuvre, de la retranscription des montages financiers, du suivi des comptes, des soumissions et de tous les courriers correspondants. Quand Sophie arrive au bout de sa présentation, Monsieur Z prend le relais. Il est sympathique, charmeur, sans équivoque, manifestement content de lui. « J'ai hâte de voir ce que vous avez à m'apprendre, » dit-il à sa nouvelle collaboratrice. Les jours suivants, hélas, rien ne va plus. Faustine est perdue. Elle souffre de perte de mémoire, accumule erreurs et maladresses, met beaucoup de temps à s'habituer à l'ordinateur. Une fois de plus, elle doit se débrouiller sans mode d'emploi. À l'usage, Monsieur Z, rapidement rebaptisé Zézé, affiche un tempérament intransigeant, soupe au lait et lunatique. Faustine, qui déteste travailler dans l'urgence, supporte mal le stress imposé. En réponse aux colères de son patron, il lui arrive de claquer portes et fenêtres violemment, histoire de faire autant de bruit que lui. Il semble se calmer, provisoirement. Tout cela empire au point qu'elle s'apprête à démissionner, quand soudain, allez savoir pourquoi, la situation se calme. Peut-être que son cerveau a enfin décidé de collaborer, à moins qu'elle ne se soit détendue. Toujours est-il que Faustine trouve ses réponses, développe ses stratégies. Aussitôt, les tensions s'apaisent et elle parvient enfin à s'intégrer. Ses capacités n'étaient pas tout à fait mortes. Ouf! Chaque fin de mois, l'épouse de Zézé passe au bureau afin de gérer les factures domestiques. Elle s'installe sur un petit bureau face à celui de Faustine. Celle-ci fait vaguement sa connaissance à cette occasion. C'est une petite poupée à peu près du même âge que son mari. Un bon point pour lui. Très coquette, mais timide. Manifestement terrorisée par son conjoint, elle évite de prolonger l'épreuve et s'en retourne chez elle aussitôt sa tâche achevée. Faustine n'aura pas le temps de mieux la connaître. Désormais casée professionnellement, Faustine peut enfin se permettre de contacter un avocat. Elle a de la chance que Maxime ne l'ait pas devancée. En principe, le fort juridique se trouve dans le pays de celui qui dépose la demande de divorce. La future Madame X a investi dans un code civil suisse et potasse ses droits. Une femme avertie en vaut quatre. Connaissant les travers manipulatoires du cher Maxime, elle tient à mettre toutes les chances de son côté. Garder un semblant de contrôle la rassure, sans compter que l'interprétation des textes de loi est fascinante. Il y a tout et son contraire là-dedans. Elle aurait dû faire avocate, tiens. La lecture du code lui confirme qu'il vaut effectivement mieux pour elle demander le divorce dans son propre pays. Maman lui a conseillé Maître Violaine Ige, qui la reçoit très aimablement. Faustine, pensant qu'on attendait une démolition en règle, commence par déverser ses frustrations en bloc. Maître J se refroidit, la toise réplique aussi sec. « Bah, dans ce cas, pourquoi l'avez-vous épousée ?» Faustine, douchée, s'interrompt tout net. On passe aux modalités. L'avocate lui demande si elle doit mettre Maxime sur la paille ou pas. Du fait que la maison de Saint-Rémy est au nom de sa cliente uniquement, rien ne serait plus simple si elle le souhaitait. On croirait presque qu'elle a envie de monter au créneau. Mais Faustine refuse d'aller aussi loin. Elle acceptera volontiers, en dédommagement, la moitié de cette maison qu'elle a largement contribué à payer. Mais ça s'arrête là. De retour au boulevard de Grancy, elle trouve un chèque dans sa boîte aux lettres. C'est le montant de la vente de sa voiture envoyée par Maxime. Voilà qui tombe à point. Divorcer n'est jamais très drôle, mais Faustine a beaucoup de chance. Maxime se montre relativement coopératif. Oh, il tente bien de la convaincre de divorcer à Paris avec une avocate commune afin de réduire les frais. Mais Faustine a déjà lancé les démarches. Pas question de se faire rouler dans la farine une fois de plus. Installée sur une terrasse au bord du Léman, Faustine lui écrit une lettre d'une vingtaine de pages exprimant son point de vue. Entre deux paragraphes, elle lève les yeux sur les montagnes françaises qui lui font face. Quel privilège! Ce paysage de toute beauté, un travail qui paye bien, le gîte et le couvert assurés, sa liberté toute neuve, la remplissent de gratitude. Lorsqu'il reçoit sa lettre, Maxime, qui a tendance à prendre les Suisses pour des demeurés, ne peut pas en rester là. Il rue dans les brancards, joue son va-tout, négligeant de respecter une élémentaire prudence. Il ne s'attendait visiblement pas à ce que Maître J soit aussi efficace. Il ne s'attendait pas non plus à ce qu'elle fasse suivre automatiquement à sa cliente tous les courriers la concernant, mettant en lumière ses pathétiques manipulations. Faustine réagit violemment, exprime le fond de sa pensée avec copie à tous les intervenants. L'avocate parisienne en prend pour son grade. Elle monte au créneau à son tour, fustigeant le prurit de l'écriture de la jeune femme et la violation du secret professionnel par Maître Ige, laquelle rétorque qu'il n'y a pas de secret professionnel qui tienne entre une avocate et sa cliente. C'est ainsi que cela se passe en Suisse, point barre. Maxime exige alors que Faustine reprenne son nom de jeune fille. Or, il sait très bien qu'elle l'a toujours détesté, ce nom, puisque associé à ce père biologique qu'il a abandonné. Ultime camouflet, il en sera pour ses frais. Seuls les criminels y sont astreints dans ce pays, lui affirme son avocate. De plus, Faustine le rassure. Elle aura changé de nom dans les 3 ans à venir, car elle compte bien se remarier, quoi qu'il en dise. Il arrive que Faustine rit jaune dans un premier temps, mais elle s'amuse vite à compter les points. Une fois les conditions posées, le dossier suit son cours. Quelques jours plus tard, ses malles arrivent à la douane. Il ne reste plus qu'à les récupérer. Faustine s'y rend en taxi. Quel plaisir de retrouver ses affaires, surtout les photos de Julien et ses habits de bébé. Dans sa chambre, Faustine a disposé 2 immenses bibliothèques. Elle y répartit ses livres et ses souvenirs. Elle a hérité du bureau de papa, rêvant déjà d'y installer un ordinateur. Sa chambre est pourvue de larges placards pour ses vêtements. Que demander de plus à l'orée d'une nouvelle vie? Les week-ends, si maman est de permanence, Faustine reprend avec bonheur ses balades à travers Lausanne. Il arrive qu'un air de jazz chatouille ses oreilles au milieu des cris et des appels des marchands. Elle se dirige alors droit vers la musique et s'en délecte. À la pause, elle taille une bavette avec les musiciens, apprend qu'ils sont français, venus jusque-là parce que ça paye mieux que de l'autre côté de la frontière. En plus du café 1900, situé à quelques pas de chez elle, Faustine fréquente le café roman Place Saint-François, haut lieu lausannois des concerts de jazz. Ici, ce sont les gars de Paris qui jouent. C'est là que Faustine apprend, par un ami commun, qu'elle est déjà remplacée dans la vie de Maxime. Elle l'aurait même été du temps où elle se rétablissait à Orthez. Elle apprendra aussi par une maladresse fortuite que Maxime a imité sa signature sur un document afin d'obtenir un prêt important. Furieuse qu'il ait osé cela sans même lui en parler, elle aurait sûrement été d'accord. Elle engueule son banquier au téléphone et boucle son compte. À partir de cet instant, elle se sentira entièrement libre. Plus rien ne la rattachera à lui.